professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quels sont les textes bibliques qui parlent de l'Arche d'Alliance, demande Thomas Römer. Que pouvons-nous apprendre des livres de Samuel et des Rois? La première histoire de l'Arche a-t-elle été composée pour légitimer le site de Kiriath Yéharim comme étant le nouvel emplacement de l'Arche après la destruction du sanctuaire de Silo? Et qui donc a écrit le récit de son transfert à Jérusalem? Et quand l'Arche est-elle vraiment arrivée dans le temple de Jérusalem? Comment a-t-elle été perdue par la suite? Et qui étaient les Philistins, s'interroge encore Thomas Römer. Avait-il une supériorité militaire ou Dieu s'est-il mis en colère contre Israël? Thomas Römer, titulaire de la chaire des milieux bibliques, ancien doyen de la faculté de théologie de l'Université de Lausanne, poursuit sa grande enquête au cœur des textes bibliques, mais aussi dans la perspective des dernières découvertes archéologiques, dans le cadre de sa nouvelle série intitulée « L'Arche d'Alliance, mythes, histoires et histoires ». Son récit, son analyse, au plus près des textes, interroge les théories, les spéculations et les avancées de la recherche, et cela non sans malice. Qu'est-ce donc que l'histoire deutéronomiste, théorie inventée par le grand exégète Martin Knott, et quelle est celle de l'école américaine autour de l'édition josianique? Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 8 mars 2018 pour le cours de Thomas Römer, aujourd'hui, la perte de l'Arche et la fin du sanctuaire de Silo. Ce que je dois encore juste vous préciser avant que nous allons regarder un peu plus en détail le texte de 1 Samuel 4, c'est un peu le contexte à l'intérieur duquel il faut comprendre les livres de Samuel et des Rois. Et ce contexte, c'est ce qu'on appelle souvent l'histoire deutéronomiste. Les fidèles parmi vous connaissent peut-être l'idée. Qu'est-ce que c'est l'histoire deutéronomiste? C'est l'idée, en fait, que ces livres, Samuel et Rois, mais aussi les livres de Deutéronome, Josué et Juge, ont été à un moment rédigés ensemble par un auteur ou par un groupe d'auteurs qu'on appelle, à la suite de Martin Knott, un des plus grands, à mon avis, un des plus grands exégètes du XXe siècle, exégète, archéologue, qui est mort d'ailleurs à Bethléem, où se trouve son tombeau. Martin Knott avait en effet inventé cette théorie de l'histoire deutéronomiste en disant que les livres de Deutéronome, Josué, Juge, Samuel et Rois, ils ont quand même un style assez similaire, qui rappelle justement le style du Deutéronome. Et ce livre aurait été en fait rédigé, mis ensemble par un auteur que, comme il connaît pas le nom, il appelle le Deutéronomiste. Pourquoi le Deutéronomiste? Par allusion au livre du Deutéronome. Hein? Donc cet auteur aura écrit, selon Martin Knott, en fait, quelques ans après la destruction du Temple et de l'exil, en reprenant des traditions anciennes, mais en les rééditant. Pour expliquer quoi? Pour expliquer la catastrophe de l'exil. Il faut expliquer pourquoi Malgré les promesses divines, Dieu promet à David une dynastie éternelle. Il y a beaucoup de choses sur les rois très positives. Mais pourquoi tout d'un coup, il y a quand même la catastrophe? Donc le Deutéronome, ou le Deutéronomiste, l'histoire deutéronomiste, aurait voulu en effet montrer que la destruction de Jérusalem, l'exil, n'est pas signe de la faiblesse en fait de Yahvé, mais c'est en effet la sanction de Yahvé vis-à-vis de son peuple, à cause du fait que ses rois n'ont pas respecté ces lois telles qu'elles sont consignées dans le livre du Deutéronome. D'où l'idée de l'histoire deutéronomiste. Pour Nôtre, c'était un individu. Donc il faut pas, peut-être, c'est pas inintéressant de vous dire, Nôtre a écrit ce livre, un petit livre, en 1943. Donc en plein guerre mondiale, et on voyait déjà, en fait, il était en fait soldat de l'armée allemande, mais était en arrêt maladie. Et en écrivant, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est professeur, on écrit un livre. Mais alors, ce qui est intéressant quand même, en écrivant ce livre sur une sorte de réflexion sur la catastrophe, ben, certains disent en effet, il se projetait un peu lui-même dans cette posture du deutéronomiste, ce qui évidemment n'est pas impossible. Donc Nôtre, en fait, voit le deutéronomiste comme quelqu'un qui veut expliquer la catastrophe, mais qui n'a pas du tout de solution à proposer. Il dit, ben voilà, on explique pourquoi ça arrivait, et c'est tout. On réunit les sources, et on les laisse parler aussi, même s'ils sont contraires à l'idée qu'on veut défendre. Donc, c'est pour cela, Nôtre a appelé son deutéronomiste aussi un courtier honnête, ein ehrlicher Makler, c'est quelqu'un qui vraiment est honnête vis-à-vis de ses sources, en le comparant aux historiens grecs et romains qui, eux aussi, laissent parler leurs sources. Donc, ce qui explique pour Nôtre pourquoi, à l'intérieur du livre Samuel et Roi, ben aussi Josué et Juge, on a parfois des contradictions, des visions très positives de la royauté après des visions très négatives, parce que les sources anciennes, dit Nôtre, le deutéronomiste les a repris, on les laisse en parler, mais évidemment, toujours avec l'idée qu'à la fin, il faut montrer pourquoi la catastrophe est arrivée, sans forcément avoir d'alternative. Alors, l'idée que... Alors, Nôtre dit aussi que le deutéronomiste, c'était un individu qui avait des comptes à rendre à personne, qui était ni un scribe, ni un prêtre, une sorte d'auteur freelance presque, ce qui évidemment est aussi un tout petit peu anachronique. Et très très vite, on a un peu modifié cette idée en disant il s'agit plutôt, en fait, non pas d'un individu, mais plutôt d'une école, d'un groupe. Et on peut en effet voir qu'à l'intérieur des textes deutéronomistes, il y a des révisions. Par exemple, juste un exemple, vous connaissez peut-être l'histoire de la conquête qui commence au chapitre 1 du livre de Josué, où Dieu exhorte Josué comme un chef militaire, comme la déesse Ishtar dit au roi Asahar, « N'aie pas peur, ne crains pas, je suis avec toi, je mets devant toi tous tes ennemis. » Et ainsi se termine le premier discours, « Sois fort et courageux, car c'est toi qui donneras à ce peuple tout le pays. » Donc l'histoire, disons le discours, pourrait être terminé. Mais alors, tout d'un coup, le verset 7 reprend en disant, « Oui, sois fort et courageux, donc ce qu'on appelle la Wiederaufnahme, la reprise, on répète, « Veille à agir selon tout ou toute la Torah que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Et médite la Torah jour et nuit. » Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le même vocabulaire, mais au lieu de présenter Josué comme un chef de guerre, ben on le présente comme une sorte de respectueux de la Torah, une sorte de proto-rabbin qui ne fait que méditer la Torah jour et nuit. Évidemment, si vous méditez la Torah jour et nuit, vous ne pouvez plus tellement faire la guerre. Donc il y a une sorte de rélecture plus nomiste par rapport en fait au premier deutéronomiste. C'est pour cela cette école de Göttingen a parlé d'un deutéronomiste nomiste, quelqu'un qui est très préoccupé par la loi. Après, on a encore ajouté un DTRP, un deutéronomiste prophétique, celui qui aura rajouté les histoires sur le prophète, mais peu nous importe. Ce qui est intéressant dans cette modification, c'est l'idée en fait que nous n'avons pas un seul individu, mais qu'il s'agit plutôt d'une école et qui a travaillé sur plusieurs décennies, si ce n'est pas sur une centaine d'années. Mais là, en fait, l'idée, c'était toujours en fait que le deutéronomiste ou les deutéronomistes, c'est une sorte de réflexion sur la catastrophe de l'exil. Mais est-ce aussi simple si on regarde tous les textes? Et là, c'est la deuxième modification qui a été apportée plutôt par l'école américaine, Frank Cross. Lui, en fait, en étudiant les livres de Samuel et de Roi, il observe deux choses. Il dit, en fait, il y a deux choses très importantes en Samuel et Roi. Première chose, si vous relisez ces textes, les rois, surtout du royaume du Nord, sont toujours jugés par rapport à ce qu'on appelle le péché de Jéroboam. Qu'est-ce que c'est le péché de Jéroboam? C'est que le roi Jéroboam, au moment où les deux royaumes se constituent après la mort de Salomon, il va en fait créer des sanctuaires concurrents au sanctuaire de Jérusalem, à Dan et Bethel. Et tous les rois du Nord sont critiqués parce qu'ils ne sont pas en fait fidèles au sanctuaire de Jérusalem, mais ils vénèrent Yahvé à Dan et Bethel, donc ce qu'on appelle le péché de Jéroboam. Et deuxième thème important dans le livre de Samuel, c'est que Dieu promet à Samuel une dynastie éternelle. Donc il y aura toujours quelqu'un de ta descendance sur le trône à Jérusalem. Et Cross dit, mais ces deux thèmes, est-ce que ça marche bien à l'époque de l'exil, de la déportation? C'est contradictoire un peu. Et donc il dit, en fait, quand on regarde ces deux thèmes, la lignée davidique et le péché de Jéroboam, ça s'est résolu d'une certaine manière dans la figure de Josias. Parce que le roi Josias, c'est lui qui va détruire le sanctuaire de Bethel. Comme il est dit, il met fin, en fait, au péché de Jéroboam. Et il est, en effet, présenté comme étant le nouveau David, le rejeton davidique exemplaire. Donc c'est vraiment le roi idéal, d'ailleurs, c'est Josias, qui est le seul qui accomplit de manière exacte le fameux schéma Israël. Écoute Israël, Yahvé est notre Dieu, Yahvé est un. Et tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Et c'est toute ta force, c'est en fait, normalement, en hébreu, me'od, un adverbe, qui est utilisé que deux fois dans toute la Bible comme un substantif, ce qui traduit ici par force. C'est justement dans le Deutéronome, et quand on caractérise Josias comme celui qui aima Yahvé de tout son cœur, de tout son être et de toute sa force. Donc ça veut dire, en fait, Josias est celui qui accomplit le Deutéronome exactement. Donc du coup, l'idée de Cross, qui est suivie par presque toute l'école américaine, c'est de dire la première édition de l'histoire deutéronomiste, ce n'était pas du tout à l'exil, c'était sous le règne de Josias. Alors du coup, c'est une visée totalement différente. Si c'est écrit par Josias, ce n'est pas une histoire de la catastrophe. C'est quoi? C'est une histoire de propagande pour les réformes de Josias et pour montrer que Josias, c'est vraiment le digne successeur de David. Et on peut en effet montrer que sous Josias, il y a beaucoup d'activités. Sur le plan archéologique, on constate que Jérusalem s'agrandit de manière spectaculaire, que l'infrastructure devient importante, qu'il y a cette volonté de tout centraliser sur Jérusalem. Donc il faut imaginer aussi qu'il y a du coup une activité scribale importante. Et donc je pense en effet, il ne faut pas choisir l'un contre l'autre, parce que parfois entre l'école allemande et l'école américaine, c'est des luttes acharnées pour savoir qui a raison. Je pense les deux ont raison. C'est très suisse, je suis d'accord, mais c'est vrai. C'est vrai parce que on peut en effet comprendre l'histoire deutéronomiste comme un point de départ, en effet, dès l'époque néo-assyrienne, donc dès l'époque de Josias, si vous voulez. Ce n'est pas encore l'histoire deutéronomiste nôtre. C'est plutôt un travail de scribes qui sont donc sous les ordres de Josias et qui défendent les intérêts de la cour, une sorte aussi de glorification de Josias, comme le font les scribes assyriens aussi, pour glorifier les hauts faits de leur roi. C'est tout à fait normal. Et donc on peut imaginer, et ça c'est important pour bien comprendre après aussi notre histoire de l'Arche, qu'il y a une première édition des deutéronomistes sous Josias qui comprend un rouleau Samuel Roy, peut-être un autre rouleau Deutéronome et Josué, parce qu'on peut montrer que c'est très inspiré de la rhétorique assyrienne. Ce n'est pas encore un grand rouleau histoire deutéronomiste. C'est plusieurs rouleaux, donc il faut plutôt parler d'une sorte de bibliothèque. Hein, de bibliothèque, il faut vous imaginer ça comme à Qumran, donc il y a des grands vases dans lesquels on met des rouleaux. Hein, et sans doute c'était comme ça à la cour de Jérusalem. Donc ça commence à ce moment-là, se reprit évidemment plus tard au moment de l'exil, probablement à Babylone, où en effet il faut réécrire l'histoire. Mais ça, on le sait, il faut toujours réécrire l'histoire. Mais ça commence en fait sous Josias. Si je dis ça commence pas à partir de rien, parce qu'il y a évidemment des traditions, et la nôtre a tout à fait raison, et ça c'est pas contesté non plus par les Américains, que le ou les deutéronomistes reprennent des traditions anciennes, probablement déjà des traditions écrites. Et là, pour ceux qui lisent l'allemand, faut en effet faire référence à ce livre très important de Leonard Rost, qui avait en effet, c'est déjà dans les années 30 du siècle dernier, mais certaines recherches sont toujours valables, qui avait en effet essayé de voir à partir de quoi les livres de Samuel sont constitués. Donc évidemment, les deutéronomistes, ils avaient des annales, ils avaient des histoires sur les prophètes, ils avaient beaucoup de choses, et Rost, en fait, dit pour l'histoire, pour les deux rouleaux Samuel, il y avait trois grandes unités. Il y avait l'histoire de l'ascension de David, hein, qui raconte en fait comment David devient roi à Hébron et puis à Jérusalem. Vision très très positive de David, hein, opposé à Saül. Ensuite, l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire de la succession de David, qui en fait est assez différent parce que David est un peu faible. Il y a tout le temps des révoltes d'Absalom, de Sheba. Son successeur arrive au trône de manière, disons, assez compliquée. C'est-à-dire des intrigues. Il va en effet supprimer tous ses concurrents, etc. Donc un David un peu dépassé par les événements. Et finalement, troisième élément, ce qu'il appelle « die Ladeerzählung », l'histoire de l'Arche. L'histoire de l'Arche qui aurait été en effet écrit aussi comme un œuvre, un texte indépendant et qui aurait compris les chapitres 1, Samuel 4, 6 et 2 Samuel 6, grosso modo, et qui aurait en fait écrit comment l'Arche est arrivée de Shiloh, de Silo à Jérusalem. Alors Rost, et ça aujourd'hui peut-être on va moins le suivre, Rost était très, très, comment dire, très confident dans le fait que ces textes remontent aux événements même, qu'ils étaient écrits quasiment par des témoins oculaires, hein, par des gens qui avaient vu ce qui s'était passé. Donc aujourd'hui, je pense que c'est difficile à admettre. Mais l'idée, je pense, de Rost mérite d'être quand même reconsidérée. Alors je ne vais pas aller dans les détails, là on va le faire au fur et à mesure, parce que ce n'est évidemment pas l'ensemble de ces chapitres qui sont l'histoire originelle de l'Arche. Mais pour lui, en fait, cette histoire, pour Rost, elle avait comme but d'expliquer pourquoi donc l'Arche arrive à Jérusalem et aussi évidemment montrer la supériorité de cette Arche par rapport aux Philistins. Il aurait été écrit donc sous le règne de David ou Salomon. Ça, je pense, on va voir que c'est pas si simple. Donc, il y avait dans cette histoire apparaît comme un dieu qui combat les ennemis d'Israël, qui apporte la victoire à son propre peuple et qui en fait va trouver son emplacement final dans le temple de Jérusalem. Et c'est là, en effet, où se pose toute la question, parce que si vous prenez l'histoire de la succession de David. On a en fait des chapitres qui se suivent. L'histoire de l'ascension de David, idem. Mais l'histoire de l'Arche, c'est un peu bizarre. C'est 1 Samuel 4, 6, après il faut sauter à 2 Samuel 6. Donc du coup, il faut se poser la question, est-ce que l'histoire originelle de l'Arche s'est vraiment terminée avec le chapitre 6 du deuxième livre de Samuel? Et la réponse est non. C'est-à-dire, c'est ma réponse. Il y a d'autres qui pensent que si, mais je suis pas le seul. Donc, je pense, première chose qu'il faudrait dire, si l'histoire du transfert de l'arche à Jérusalem avait depuis toujours été la conclusion, et si c'était une histoire qui se suivait, essayez de faire le test ce soir. Lisez juste ces chapitres à la suite. Mais David, il arrive, il n'est pas introduit du tout. Il est juste là, il dit « allons chercher l'arche ». Donc sur le plan narratif, c'est un peu difficile. Il y a les noms qui sont différents. Les gardiens de l'arche, ils n'ont pas les mêmes noms. En 2 Samuel 7, c'est le prêtre Avinadab. Là, on va passer d'Éléazar, de Ouza. Les noms mentionnés des localités sont différents, donc là aussi, difficile. Dans les chapitres 4 à 6 du premier livre de Samuel, l'arche est plutôt, en effet, une sorte de présence de Yahvé, elle est identifiée à Yahvé, alors qu'en 2 Samuel 6, c'est plutôt une sorte d'objet liturgique. Et finalement, ça, il faudra aller dans les détails avec lesquels je ne vais pas vous ennuyer, le style et le vocabulaire est assez différent. Donc 1 Samuel 4, 6 d'un côté et 2 Samuel 6. Et finalement, si tout le but de cette histoire de l'arche aurait été de montrer comment l'arche, en fait, si tout avait été centré sur Jérusalem, on aurait dû insister davantage que Jérusalem est la destination. Si vous lisez 1 Samuel 4 à 6, Jérusalem est totalement absent. Vous savez, on peut introduire des choses. Là, le narrateur, pas du tout. Donc, si ça a été ce qu'on appelle le Hieros Logos, la légende de fondation de l'Arche à Jérusalem, on aura pu l'imaginer autrement. Donc, la fin originale de l'histoire de l'Arche ne se trouve pas à Jérusalem, en 2 Samuel 6, mais à son arrivée à Kiryat Yearim. Et c'est là, en effet, où je pense qu'il va falloir voir l'histoire différemment. Donc je vous répète ce que j'ai dit très très vite comme hypothèse de travail, puisque ce qui est bien ici, on peut tester des hypothèses. Peut-être à la fin, je dois vous avouer que j'ai tort, mais j'espère pas. Donc l'hypothèse est de dire que la première histoire de l'Arche, en fait, a été composée, non pas du tout pour légitimer Jérusalem, mais pour légitimer le site de Kiryat Yearim comme étant le nouveau sanctuaire de l'Arche après la destruction de Silo. Du coup, il faut se poser la question, si les deux ne sont pas liés, qui a écrit l'histoire du transfert de l'Arche à Jérusalem? Et c'est pour cela que c'était important que je vous parle de Josias. Et quand l'Arche est-elle vraiment arrivée à Jérusalem? Ce qu'on peut observer, je l'ai déjà dit, si vous lisez les livres des rois, on raconte seulement que Salomon aurait mis l'arche dans le temple. L'arche qu'on mentionne quand même assez souvent avant. Et une fois qu'elle est dans le temple, aujourd'hui on dirait qu'elle fait partie des meubles, c'est-à-dire en fait, elle ne joue plus aucun rôle. On ne la mentionne pas du tout, elle n'intervient pas dans des conflits militaires ou d'autres. Donc comment expliquer cela? Mais je pense qu'il y a une explication très simple. Cette explication, c'est de dire en fait que l'arche n'est entrée dans le temple de Jérusalem que, disons sur le plan historique, hein, que durant l'époque du roi Josias. C'est Josias qui a fait venir l'arche. Et donc du coup, c'est les scribes de Josias, les premiers deutéronomistes, hein, qui ont écrit le récit de 2 Samuel 6 et de 1 Raoui 8 pour montrer en fait que l'arche a toujours été dans le temple. Vous savez, quand on veut légitimer quelque chose, il faut montrer que ça a toujours été comme ça depuis le commencement, d'une certaine manière. On connaît ça avec le livre des morts. C'est une stratégie littéraire tout à fait classique, ou pas seulement littéraire, aussi idéologique. Donc, si, sur le plan historique, c'est seulement Josias qui a fait venir l'arche à Jérusalem, ça explique très bien pourquoi on ne dit plus rien sur l'arche après que Salomon l'a installée dans le temple. Parce qu'en effet, si historiquement elle n'est arrivée qu'au 7e siècle, c'est juste 50 ans avant la destruction de Jérusalem, on n'avait pas le loisir de réécrire toute l'histoire. Ce qui était important, c'est juste pour montrer en fait que David l'a fait venir et que Salomon l'a installée. Et puis c'était évident. Donc, revenons encore, et ça nous allons avoir une autre séance où nous allons voir ça en détail. Kiryat Yearim, on va y revenir, c'est un endroit qui est un endroit de frontière, hein, situé vraiment sur la frontière Benjamin-Juda, hein, et pas trop loin des Philistins non plus. Donc, c'est toujours un territoire disputé, Benjamin, et il est assez vraisemblable que Benjamin a pu être récupéré par Josias après la destruction du royaume du Nord. Donc Josias a récupéré Benjamin, et donc, du coup, on comprend pourquoi il a fait transférer l'arche. Avant, Kiryat Yearim, jusqu'à 722, faisait sans doute partie avec Benjamin du royaume du Nord. Et donc, qui a pu, en effet, faire de Kiryat Yearim un site important? C'est probablement aussi celui qui a pris Bethel comme sanctuaire de frontière, d'une certaine manière, hein, et donc pour, en effet, marquer la frontière entre le nord et le sud. Dans la Bible, c'est Jéroboam le premier, mais sur le plan historique, c'est Jéroboam II, hein, au 8e siècle, parce qu'on sait que Dan, par exemple, n'est devenu un sanctuaire israélite à ce moment-là. Donc, on peut imaginer, et ça, il faudrait évidemment essayer de le démontrer plus en détail, que la première histoire de l'arche qui arrive à Kiryat Yearim, que c'est une tradition du Nord, qui a été en effet rédigée à l'époque de Jéroboam II. Jéroboam II, c'est aussi un de ces rois maudits de la Bible. Vous avez plusieurs de ces rois maudits qui ont des règnes très très longs, comme Manassé, comme Omri, et dont la Bible dit rien. Si vous cherchez ce que dit la Bible de Jéroboam II, ça tient en quelques lignes. Mais il a régné plus que 40 ans. Bon. Donc, je pense que, en effet, c'est probablement à cette époque-là qu'on a écrit l'histoire de l'arrivée de l'arche à Kiryat Yearim. Alors, un dernier argument pour la théorie selon laquelle c'est Josias qui l'a fait venir à Jérusalem, c'est un texte qui se trouve dans le livre des Chroniques. Les livres des Chroniques ont une version alternative, en fait, de l'histoire de la réforme de Josias. Souvent on dit que c'est un texte beaucoup plus récent, ce qui est possible, mais il y a quand même là un verset qui n'a pas d'équivalent dans le livre des Rois et qui est très curieux. Puisque là, Josias dit aux Lévites, placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon. C'est Josias qui le dit. Hein? Donc, ne vous l'avez plus à la porter sur l'épaule. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on a l'impression que c'est pour la première fois que quelqu'un dit maintenant placez l'arche dans le temple. Si on prend ça au sérieux. Donc, ça ira très bien avec l'hypothèse que je viens de vous présenter. Et c'est sur cette hypothèse qu'on va travailler, à savoir que la première histoire de l'arche, à l'origine, il y a des retouches, je vais vous les montrer au fur et à mesure, hein, date du royaume du Nord, et puis qu'elle a été révisée et augmentée par 2 Samuel 6 à l'époque de Josias, réécrit encore à l'époque de l'exil, où la déportation de l'arche et les Philistins devient en quelque sorte même l'image de l'exil. Maintenant, on peut commencer à travailler, c'est-à-dire on regarde le texte et on regarde l'histoire. Thank you. Le Collège de France et France Culture vous présente Thomas Römer dans le cadre de sa série L'Arche d'Alliance, Mythes et Histoires. Aujourd'hui, la perte de l'Arche et la fin du sanctuaire de Silo. Alors, on va commencer avec 1 Samuel 4. Je vous ai déjà dit, et on va le voir tout de suite, que souvent les différences entre le grec et l'hébreu sont importantes. D'abord, je vous traduis le texte masorétique, le texte de la Bible hébraïque, qui commence ainsi. La parole de Samuel était pour tout Israël, ou sur tout Israël, et Israël sortit à l'encontre des Philistins pour la guerre, et ils campèrent près de Ha-Eben Ha-Ezer, la pierre du secours. Les Philistins campaient à Afek. Pour les hébraïsantes, il y a un problème, vous l'avez identifié, normalement, si on doit mettre pierre de secours, il devrait être non pas Ha-Eben Ha-Ezer, c'est Even Ha-Ezer, donc l'État construit. Là, c'est comme une apposition, la pierre virgule, le secours, hein, ce qui est un peu une anomalie. Mais regardons ce que dit le grec. Le grec ne mentionne pas du tout Samuel. Le grec nous dit « Il arriva en ce temps aussi que les étrangers, donc au lieu de Philistins, les étrangers, se rassemblèrent pour la guerre » contre Israël, et après c'est assez pareil, et Israël sortit à leur rencontre pour la guerre, ils campèrent près d'Abenezer, les étrangères campèrent à Afek. Alors, c'est quand même assez différent le début. Donc, dans le texte hébreu, on parle de Samuel, dans le texte grec, pas du tout. Alors, quelle est la version plus ancienne? À mon avis, c'est assez simple. C'est la Septante, c'est le texte grec. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est un commencement d'un récit, ce qui n'est pas du tout le cas en 1 Samuel 4 dans le texte masorétique. Et surtout, quelle est l'idée de l'introduction de Samuel ? C'est à la fois, évidemment, de faire un lien entre l'histoire de l'Arche et l'histoire de Samuel, parce que je vous ai dit, Samuel n'apparaît jamais vraiment dans l'histoire de l'Arche. C'est une histoire indépendante. Il faut l'introduire. Et c'est presque aussi comme une sorte de correction théologique pour dire, en fait, tout ce qui suit, c'est la parole de Samuel. C'est-à-dire, en fait, la parole prophétique, d'une certaine manière, est supérieure à la puissance, au pouvoir de l'Arche. Et autre changement théologique qu'on peut observer entre le grec et l'hébreu. Quelle est la grande différence si vous prenez l'hébreu et le grec? Alors, il y a les étrangers, je reviens sur les étrangers, c'est les allophiles. Mais c'est le début. Si vous prenez le texte hébreu, c'est qui commence la guerre? Dans le texte hébreu, c'est les Israélites qui commencent la guerre. D'accord? Dans le texte grec, ce sont les Philistins. Alors peut-être qu'on a enlevé l'idée que c'est les Philistins qui commencent la guerre pour dire en fait que la perte de l'Arche, c'est la faute des Israélites qui eux-mêmes ont commencé la guerre sans en effet consulter Yahvé. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'arguments pour dire que le texte grec ici préserve le début originel de l'histoire. Une guerre entre les Philistins et les Hébreux. Alors, je reviens après sur les allophiloi, les autres, les étrangers. Mais avant d'y arriver, il faut qu'on parle un tout petit peu aussi des Philistins. Qui sont les Philistins? Vous savez? Alors, ils apparaissent dans la Bible, je reviendrai dans d'autres endroits, mais ici, dans le livre de Samuel, c'est pour la première fois qu'ils sont mentionnés, les Philistins. Philistines. Apparemment, le récit présuppose que les auditeurs, parce qu'il faut imaginer, ce n'est pas des lecteurs comme aujourd'hui, c'est des gens à qui on lit ou raconte l'histoire, qu'ils savent qui sont les Philistins, parce qu'on n'explique rien. On dit les Philistins font la guerre. Alors, le nom est bien attesté déjà en égyptien, après en hébreu, Pelishtim, et aussi en acadien, Pilashtu, parce qu'on a aussi des textes assyriens qui en parlent. L'origine du nom est encore disputée. Alors, je donne la théorie d'Étienne Fourmont, parce que c'est un professeur au Collège de France, un peu avant moi, quand même. Mais c'est un arabisant, mais qui était aussi un des premiers à avoir fait des études très poussées. Et c'est aussi un prédécesseur de Madame Cheng, parce qu'il était très fort sur les caractères chinois. Donc, c'était quelqu'un qui savait tout. Et donc, lui, il avait en effet rapproché les Philistins du Pélasgoï, donc des Pélasgues, qui apparaissent en effet comme la population autochtone de la Grèce pré-hellénique. Ce qui n'est pas trop bête comme idée. Et finalement, plus récemment, l'égyptologue Thomas Schneider, et c'est probablement ça ce qu'il faut retenir, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, il a fait un lien avec le mot mycéen, pelosistoi, donc qui veut dire, en fait, ce n'est pas du tout un terme ethnique, mais qui veut dire des marins ou des matelots. Et donc, à l'origine du terme, vous allez comprendre dans un moment, ce n'est pas du tout un terme ethnique, c'est un peu comme les Hapirou, c'est un terme sociologique. Hein? Un peu comme les Vikings, qui à l'origine aussi sont en fait un mot pour dire des guerriers marins, et qui éventuellement plus tard deviennent un terme ethnique. Et pour les Philistins, c'est exactement la même chose. Donc les Philistins, on les connaît surtout grâce aux textes et surtout aux images égyptiens. Ici, donc, les reliefs de Ramsès III à Medinet Habu. Et donc, quelle était la théorie traditionnelle sur les Philistins? Ça remonte à Maspero. Maspero avait dit que les Philistins, c'est les fameux peuples de la mer que, en fait, Ramsès aurait installé après sa victoire contre eux sur la côte au sud de Canaan. Ça, c'est l'idée que vous trouvez sur Wikipédia et ailleurs. Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est un peu plus compliqué. Il faut modifier un peu ce paradigme sans l'abandonner totalement, parce que je pense que l'origine de la mer est tout à fait juste, disons, au moins partiellement. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que Ramsès III aurait installé les Philistins sur la côte cananéenne, ça ne marche pas. D'abord, au niveau archéologique, il y a un décalage, donc on voit très bien que les Philistins sont arrivés dans la plaine beaucoup plus tard que Ramsès III. Ensuite, la culture matérielle philistine, elle est très diversifiée, donc ça montre aussi que ce n'est pas forcément un seul peuple qui a la même culture partout. Il y a des influences à la fois de la Grèce, mais aussi du Chypre, de l'Anatolie, etc. Donc c'est là aussi plus complexe. Et aucun texte, contrairement à ce qu'on dit toujours, il n'y a aucun texte égyptien. On dit toujours on a des textes égyptiens qui parlent du pharaon qui installe les Philistins en Canaan. C'est faux. Il n'y en a pas un seul. Il y a un texte, le papyrus Aris, qui dit qu'il a installé les Philistins, mais on ne dit pas où. Ça peut être en Égypte. Il n'y a aucune précision que ça soit en Canaan. Donc là, juste pour vous montrer, il y a beaucoup d'archéologie qui a été faite dans les dernières 50 années, donc on est assez bien renseigné maintenant sur les Philistins. Et si vous regardez les différentes poteries, etc., selon les endroits où on a fouillé, donc tous des sites philistins, vous voyez que c'est quand même assez différent, sans que j'aille maintenant dans les détails. Alors on peut voir sur certaines représentations égyptiennes, qu'il est assez possible que pour certains Philistins, il y a une origine égyptienne. Regardez cette tête de bateau ici, bateau un peu, je ne veux pas dire dragon, plutôt serpent, qu'on retrouve ici sur un bateau des îles Sporades, qui est assez similaire sur la représentation égyptienne. Apparemment, les Philistins sont aussi enrôlés, c'est un peu comme les Hapirou, les Philistins sont aussi enrôlés dans l'armée égyptienne. Donc là, on a des Philistins, deux fois, qui se battent avec les Égyptiens contre les Nubiens et contre les Libyens. Donc apparemment, ils peuvent aussi se battre avec les Égyptiens. Et puis, il y a aussi apparemment des parallèles avec le monde hittite. Là, vous avez de nouveau sur le relief égyptien un chariot philistin qui porte des enfants, des femmes et des hommes qui ne participent pas au combat. Et là, vous avez également sur un relief égyptien la bataille de Kadesh contre les Hittites, vous avez les mêmes types de chars qui apparaissent pour caractériser les Hittites. Alors, soit on dit c'est juste une sorte de convention artistique, ou alors, on peut imaginer qu'il y avait aussi des Philistins en Anatolie. Et c'est probablement le cas, parce qu'il est possible, en fait, que après la désintégration de l'Empire hittite, 13e, 12e siècle, l'Anatolie a été aussi colonisée en partie à partir de la mer, à partir de la Chypre. Et donc, ça veut dire, en fait, les Philistins, ce n'est pas un groupe homogène. C'est plutôt un groupe générique pour des populations sans doute indo-européennes, ça c'est sûr, mais qui se sont installées dans un processus assez long et complexe à différents endroits, de l'Anatolie jusqu'en Égypte, d'une certaine manière. Donc imaginez que les 5 ou 6 villes philistins seraient une sorte d'unité ethnique. Ça, je pense qu'il faut abandonner cette idée et il faut suivre, entre autres, les travaux de Ido Koch de l'Université Tel Aviv, qui dit en effet que l'apparition des Philistins est en lien avec un long processus de désintégration des empires hittites et égyptiens. Donc vous savez, il y a toujours la peur du vide. Quand il y a du vide, le vide est rempli par d'autres. Il dit, en effet, qu'est-ce qui se passe? L'Égypte ne contrôle plus la Syrie-Palestine, l'Empire hittite non plus, donc vont s'installer des populations, en fait, qui, en partie, sont liées aussi à des activités de pirates, de mercenaires du monde hellénistique, grec, méditerranéen. C'est ça, en fait, les Philistins, qui sont mentionnés, comme je vous ai dit, à plusieurs reprises dans la Bible, déjà dans le Pentateuque. Mais là, c'est pour... Évidemment, c'est un peu anachronique. Déjà, Abraham va chez le roi philistin. Évidemment, ça reflète plutôt le moment de la rédaction des textes. Ce qui est important, c'est dans les livres des juges, ils apparaissent comme des ennemis d'Israël, surtout l'histoire de Samson, que vous connaissez, et bien sûr aussi dans l'histoire de l'Arche. Et nous allons voir le rôle qu'ils vont y jouer. Dans la suite du livre de Samuel, dont je vous ai déjà parlé, les Philistins, c'est à la fois des ennemis, mais c'est aussi des groupes où David se réfugie. Il devient même mercenaire. Il devient mercenaire des Philistins. Et dans les livres des rois, on trouve des choses assez mixtes. C'est à la fois des ennemis, mais il y a aussi des ennemis de Salomon qui se réfugient chez les Philistins. Ils ne sont pas trop loin. Et apparemment, les dieux des Philistins sont aussi assez puissants, puisqu'on apprend que le roi Akazias, quand il est malade, il va envoyer une délégation à Ekron pour consulter le dieu Baal Zebul. Zebul ou Zebub, on y reviendra, donc apparemment apprécié. Et finalement, le roi araméen Hazael aurait conquis des territoires philistins du nord, ce qui apparemment se précise aussi par rapport aux fouilles qui ont été faites. Les Philistins apparaissent dans des sources égyptiennes, là on l'a déjà vu, mais aussi dans les sources assyriennes. Et ça c'est important aussi pour notre enquête. Ce qui est surtout important, c'est ce qui se passe après sous Sargon et Sennacharib. Parce que là, en fait, la Bible est directement impliquée, c'est-à-dire Ézéchias, le fameux roi Ézéchias, organise avec d'autres une révolte anti-assyrien et destitue le roi Padi de Ekron, qui apparemment était loyal aux Assyriens, ce qui provoque en effet l'intervention des Assyriens, qui vont en fait condamner Ézéchias à payer des très lourds tributs et qui vont annexer en fait une grande partie du royaume de Juda. Donc, et cet épisode est tout à fait aussi documenté dans les textes assyriens, ce n'est pas seulement dans la Bible. Et puis, à l'époque babylonienne, Nabucodonosor va conquérir le territoire philistin qui va être intégré dans l'Empire. Et finalement, le dernier texte vraiment philistin, c'est une lettre écrite par le dernier roi de Ashdod au pharaon pour l'implorer de l'aider contre les Babyloniens. Mais apparemment, le pharaon n'a plus rien fait. Et donc, les Philistins disparaissent, mais ils laissent quand même leur nom, parce qu'après, ça devient la Palestine, évidemment, qui vient de Philistia, nom qui a été donc donné jusqu'à 1948 et qui, évidemment, existe encore aujourd'hui comme nom politique, mais c'est assez complexe. Là, vous avez une image, justement, des Assyriens qui déportent deux divinités de la ville de Ekron. Ces choses-là, c'est important parce que nous allons avoir besoin de cela quand on va comprendre la déportation aussi de l'Arche. Alors, maintenant, encore un mot sur les fameux étrangers, les allophiloi, parce que dans les textes grecs, il y a en effet quelque chose d'assez particulier. Vous avez dans les manuscrits grecs, quand on a en hébreu philistin, jusqu'au livre de Josué, vous avez en effet philistim. Ça, c'est juste la translittération. Mais dès qu'on passe au livre de Juges, jusqu'au livre des rois, on va toujours avoir allophilos, étranger, païen, difficile, donc d'autres ethnies. Et c'est apparemment réservé quasiment aux philistins, parce que le terme est utilisé 300 fois dans le texte grec et presque toujours pour le philistin, à 5 exceptions près. Donc, la relation entre les Israélites et les philistins, dans le livre de Samuel, il y a constamment des guerres. Je vous ai dit, David est vassal. Est-ce qu'il y a une sorte de supériorité technologique et militaire des Philistins? Parfois, on a l'impression que c'est le cas. Et les récits, en fait, sont possibles. Quand est-ce qu'on a pu écrire ces récits? Disons, grosso modo, entre le 10e, ce qui est difficile, et le 7e siècle, parce qu'après, les Philistins disparaissent, ils ne sont plus vraiment, disons, grosso modo, jusqu'à Ézéchias. Voilà. Alors, revenons maintenant à notre histoire. Nous avons traduit le verset 1, et souvenez-vous, on a dit que les Philistins campent à Aphek et les Hébreux à Eben Ezer. Alors, Aphek, il y a plusieurs Aphek dans la Bible. Il y a plusieurs Aphek. Aphek peut dire soit simplement le lit d'un cours d'eau, ou peut-être aussi forteresse, ça dépend quelles racines on choisit. Ici, pour notre récit, l'identification est assez simple. Il s'agit du site Tel Ras El Ayin, qui plus tard, à l'époque romaine, devient Antipatris, qui en effet se trouve aujourd'hui dans la grande banlieue de Tel Aviv. Donc Joppa, ça correspond à Tel Aviv. Donc on est vraiment là aux sources du Yarkon. Donc un site très important à l'âge du bronze, toujours occupé encore à l'âge du fer, et mentionné à la fois dans les documents égyptiens et assyriens. Donc je vous ai déjà parlé de cette lettre du roi d'Ekron qui écrit au Pharaon. Et dans cette lettre, justement, c'est intéressant, il dit que le roi de Babylone est arrivé à Aphek. Donc ça veut dire qu'Aphek est peut-être en effet une sorte de forteresse qui protège un peu le territoire de Philistins ou de Ekron. Donc on a trouvé, en effet, lors des fouilles, des poteries philistines du début du premier millénaire. Donc tout ça fait totalement sens. Alors, après, pour Eben Ezer, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire, Eben Ezer? Ça veut dire, en fait, la pierre du secours. Le nom n'est pas expliqué dans cette histoire, il est expliqué dans une autre histoire qui n'est pas dans l'histoire de l'Arche, mais qui est dans un combat que mène Samuel contre les Philistins. Et à la suite de ce combat, il dit, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom de Eben Ezer, en disant, jusqu'à ici, Yahvé nous a secourus. Donc ici, en fait, il y a comme Jacob à Bethel qui prend une Matseba. Ici, il prend aussi une pierre et l'appelle la pierre du secours. Et évidemment, ici, ce n'est pas du tout le même endroit, parce que là, nous sommes à Mitzpah, donc beaucoup plus, en fait, à l'ouest. Alors, ça ne peut pas être le Eben Ezer qui se trouve à Aphek, parce qu'il faut imaginer si les deux camps sont face à face, on ne peut pas imaginer plus que 2-3 kilomètres. Mais on voit peut-être que l'origine du nom peut s'expliquer assez facilement, parce que, en fait, il peut y avoir plusieurs Ebenezer, parce que, comme on le fait avec des stèles, c'est des commémorations suite à une victoire, on peut dresser des pierres et on peut en effet ensuite appeler ces endroits la pierre du secours. Donc c'est tout à fait logique. Donc, quel est le Ebenezer qui se trouve en face de Afek? De nouveau, c'est Finkelstein qui a trouvé la solution avec Kochavi, en proposant en fait le lieu de Izbet Tzarta, qui est un petit site, mais qui est vraiment à 2-3 km de Afek à l'est. Alors, continuons notre traduction. La défaite, à cause de l'absence de l'arche, qui va être relatée dans les versets 2 à 4. Les Philistins se mirent en rang à l'encontre d'Israël pour la guerre, rajoute la Septante, et la guerre se déchaîna. Israël fut battu, alors ça c'est intéressant aussi, par ou devant les Philistins. Ceux-ci frappèrent en un rang de bataille dans le champ environ 4000 hommes. La troupe, le peuple littéralement, mais le peuple peut avoir ce sens militaire de troupe, la troupe vient dans le camp. Et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi Yahvé nous a-t-il battus aujourd'hui devant les Philistins ? Prenons donc auprès de nous, de Silo, l'arche de Yahvé. » Non pas l'arche de l'Alliance, ça c'est un ajout. « L'arche de Yahvé, ainsi il viendra au milieu de nous et nous sauvera de la main de nos ennemis. » Donc le terme « Alliance » d'ailleurs manque aussi dans la Septante. Et en fait, verset 4, la troupe envoya donc des messagers ou des émissaires à Silo et on apporta l'arche de l'Alliance de Yahvé Tsevaoth qui trône sur les chérubins. Ça aussi, vous pouvez laisser tomber, c'est l'arche de Yahvé. Après, on voulait tout mettre sur cette arche, on la mentionne pour la première fois, donc simplement l'arche de Yahvé. Là, les deux fils d'Élie étaient avec l'arche de Dieu, Hophni et Pinchas. Voilà, donc quand on regarde la défaite, on voit que la défaite est très lourde, 4000 hommes, c'est énorme. Et puis ce n'est pas toute l'armée, hein, parce que c'est seulement dans un rang que les Philistins sont censés avoir battu 4000 hommes, c'est beaucoup trop. Gédéon apprend qu'il a 300 hommes, David 400 à 600, mais on est loin donc des 4000, c'est pour cela. Si vous vous souvenez, ceux qui ont suivi le cours sur les nombres, il y a des gens qui veulent expliquer ces très très grands chiffres avec une idée qui est géniale, mais pour laquelle on n'a aucune preuve, de dire que le mot « élève », qui normalement désigne en fait « mille », hein, que ce mot signifie ici pas « mille », mais une sorte d'unité militaire qui peut consister entre 5 et 15 ans. Donc vous recalculez, donc au lieu de 4000, vous avez 20 à 55 ans. C'est bien. C'est très réaliste. Mais je pense que ce n'est pas l'idée du narrateur. Le narrateur va en effet insister sur la lourdeur de la défaite. Et après, ça va encore aller beaucoup plus grave, parce qu'après, on va même parler de 30 000. Hein, donc je pense qu'il ne faut pas ici mesurer l'histoire avec des critères de rationalité. Alors ce qui est important au niveau de la terminologie, c'est on a ici la racine pour frapper nagaf, qui veut dire envoyer une plaie, frapper. Et c'est en effet, comme dit Martin Buber, qui dit que chaque texte hébraïque a un ou deux leitworte. Et puis il a raison, c'est des mots-clés. Donc si vous prenez un passage, vous trouvez toujours une ou deux racines, hein, qui structurent en fait l'ensemble et qui reviennent parfois, évidemment, dans les sens différents, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des cas, si vous regardez dans la concordance, dans la Bible, ce racine nagav, le sujet, c'est Yahvé, hein, qui lui est en fait l'auteur de ces frappements. Donc est-ce que l'auteur veut suggérer ici que c'est Yahvé qui a frappé les Israélites? Parce que si on traduit littéralement, c'est en effet Israël fut frappé devant les Philistins. Hein, on dit toujours, il faut traduire, Israël fut frappé par les Philistins. Mais ce n'est pas si sûr. Hein, c'est comme s'il y avait en effet cette idée que c'est Yahvé qui est en fait le responsable de la défaite de son propre peuple. Et donc, du coup, évidemment, dans l'Antiquité, lorsque vous subissez une défaite militaire, il faut expliquer. Vous avez en fait deux explications. Soit votre dieu ne vaut pas grand-chose et ce sont les dieux de l'ennemi qui sont plus puissants, ou alors c'est votre dieu s'est mis en colère contre vous. Et ça, c'est quelque chose, en effet, qui est très fréquent. Je vous rappelle juste le début de la stèle de Mécha, dont on va fêter cette année les 150 ans de la découverte. Il a été découvert en 1800, ça fait quoi, moi ? Vous enlevez 150. Voilà. Dans cette stèle, en fait, il est dit, Mécha se présente, etc., et vante tous ses exploits, mais il dit en effet, Omri, donc, qui était le roi d'Israël, opprima Moab pendant des longs jours, parce que Kemosh, donc le dieu tutélaire des Moabites, parce que Kemosh s'était irrité contre son pays. Donc vous avez exactement la même théologie que vous avez dans les textes bibliques. Donc, quand vous avez une défaite militaire, il faut comprendre pourquoi. Et ici, dans l'histoire, c'est très simple. Pour les anciens, en fait, la raison, c'est l'absence de l'arche durant la bataille. C'est pour cela qu'il faut aller chercher l'arche dans le sanctuaire de Silo, et c'est ainsi que intervient ici pour la première fois l'arche dans le texte. Alors, ce qui est très évident ici, c'est que l'arche est clairement compris comme étant le représentant de Yahvé. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que prenez juste ce que disent les anciens, prenons donc auprès de nous, de Silo, l'arche de Yahvé. Et l'arche, elle est féminin, aussi en hébreu. Ainsi, il viendra au milieu de nous et il nous sauvera de la main de nos ennemis. Donc, qu'est-ce que vous avez là ? On passe de l'arche directement à Yahvé. Donc, le « il » se réfère à Yahvé, qui est vraiment présent dans l'arche, où l'arche le représente d'une certaine manière. Et où est-ce qu'on va chercher l'arche ? À Silo. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Thomas Römer le 8 mars 2018 dans le cadre de sa série « L'Arche d'Alliance, mythes, histoires et histoires ». Aujourd'hui, la perte de l'Arche et la fin du sanctuaire de Silo. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Thomas Römer. Il a publié au Seuil « L'invention de Dieu » et tout récemment, sur des dessins de Léonie Bischoff, Naissance de la Bible, comment elle a été écrite aux éditions Le Lombard, collection La Petite Bédéthèque des Savoirs. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête sur l'Arche d'Alliance en compagnie de Thomas Römer et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.